24h sur 24. Voilà pour nos 2 heures de dialogue. Bon lundi de rentrée. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. Le Flash Info tout de suite avec vous, Justine Hermans, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. L'incendie criminel cette nuit à l'INCC, l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie à Neder-Overembeek, n'aurait pas été provoqué par une explosion. Les auteurs de l'attaque seraient entrés sur le site à l'aide d'une voiture. Ils auraient ensuite bouté le feu à un des laboratoires. Ils auraient après également brûlé leur véhicule. Ce sont des informations de sources policières. De son côté, le parquet de Bruxelles confirme l'explosion, mais donne pas de détails sur son origine. Plus d'informations devraient suivre. Le parquet a prévu un point presse qui doit commencer en ce moment même. Et lors de cette attaque, personne n'a été blessé, mais les dégâts sont importants. 2 personnes ont été arrêtées dans les environs pour vérification. Et on ne sait pas à ce stade si elles sont impliquées dans ces faits. La piste terroriste, elle, semble exclue. Les recherches ont repris ce matin pour retrouver Anthony, ce garçon de 8 ans tombé dans la Sambre samedi. Il se trouvait sur un bateau de plaisance à hauteur de l'Aube, près de Charleroi. Ce matin, un hélicoptère vient en renfort des pompiers plongeurs. À Ouidemont, près de Libramont, un père et sa fille ont été tués par balle hier soir à leur domicile. L'auteur des tirs est l'ancien petit ami de la jeune fille. Selon le parquet du Luxembourg, il s'agirait d'un acte prémédité. De retour à son domicile après les faits, le tireur a retourné l'arme contre lui. Il se trouve actuellement dans un état critique. La sœur cadette de la jeune fille tuée était présente au moment des faits. Elle est parvenue à prendre la fuite. Le dossier a été mis à l'instruction. À l'étranger, plusieurs attentats suicides au Yémen. 60 personnes au moins ont perdu la vie dans une attaque. Elle visait de jeunes recrues de l'armée. Le groupe terroriste État islamique revendique l'attentat. En Irak, 15 morts. Aussi, dans une attaque pendant un mariage au sud-est du pays, le kamikaze s'est fait exploser pendant la fête. Au sud-ouest de Bagdad, cette fois, donc toujours en Irak, au moins 18 personnes ont été tuées dans une attaque suicide menée par 5 assaillants. Ils étaient armés d'explosifs et de grenades dans la ville de Ain. La météo est probablement la journée la plus nuageuse de la semaine. Quelques faibles pluies ne sont pas à exclure aujourd'hui et les températures ne dépasseront pas les 22 degrés avant de remonter et d'aller jusqu'à 27 degrés sous le soleil. Ça sera pour la fin de la semaine. Un point sur vos conditions de circulation avec Anne-Michel Vlauberg. Et on a toujours ce camion en panne sur le 400 Namur-Bruxelles entre Vorès et Jésus-Eyck. La bande de droite reste donc neutralisée. On note des files également dans lesquelles vous perdez une vingtaine de minutes en direction de Bruxelles pour rejoindre la capitale. Ça coince encore également sur le 40 venant de Liège entre le parking d'Everberg et Woluwe-Saint-Etienne. 10 minutes supplémentaires. Et 10 minutes supplémentaires également sur le 40 venant de Gand entre Ternat et Grand-Bigard. Des ralentissements sur le ring de Bruxelles, mais les temps de parcours, diminuent fortement. En circulation extérieure, Zaventem, Grand-Bigard, vous pouvez rajouter une dizaine de minutes supplémentaires et 5 petites minutes supplémentaires en circulation intérieure, Zaventem, Carrefour, Léonard. Rue, avenue, chaussée, boulevard. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Vous retrouvez Sébastien Nolvo sur Vivacité pour On n'est pas des pigeons avec toute l'équipe. Merci Justine, retour de l'info à midi. Vivacité. De 11h à 13h sur Vivacité, On n'est pas des pigeons, Sébastien Nolvo. Bonjour les amis. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Mieux que le temps, hein, ma petite dame. Un peu de bien d'avoir du frais. Ouais, mais t'as allez, vu ça? Oui. Okay, alors d'accord, là. Frais, sur... Mais pas la pluie, quoi. Non, pour les mais... plantes, hein. Oui, ça aussi. Mais allez, tout le monde reprend le boulot, quasi, et boum. Et demain il fait beau. Et demain. Ouais, demain c'est soleil. C'est impressionnant. Dites au programme du jour parce que. On peut parler du temps pendant 2 heures, mais on va peut-être agrémenter cette émission d'autre chose. Annie, par exemple, on va aider Julien qui a commandé des moustiquaires et il les attend toujours. C'est un peu tard. Mais écoutez, recevoir des moustiquaires quand il n'y a plus de moustiques, c'est un peu stupide. C'est... Et alors, question à 5 francs, on dit un ou une moustiquaire. Vous avez 20 minutes pour essayer de trouver la solution. En même temps, on est passé à l'euro depuis déjà un bout de temps, Annie. Il faudrait se mettre à la page. Dans le journal de la conso, on apprend qu'une société wallonne se met au jeu géolocalisé. Mais oui, vous savez, il y avait les Pokémon Go. Hein. Oui. Enfin, les Pokémon, les chasseurs de Pokémon. Et bien maintenant, il y aura les chasseurs de Chantier et de Jean de Nivelle. parce qu'une start-up implantée à Gembloux fait de la géolocalisation dans ses jeux et vient de faire un accord avec des sociétés qui ont les droits pour Pac-Man, Dragon Ball, etc. D'accord. Et donc ce sera une chasse, mais version wallonne. D'accord, pourquoi pas. Avec Jacques, on va prendre la direction de Mons et on s'arrêtera au centre commercial des Grands Prés. Et oui, durant ce mois d'août, le centre commercial s'est encore étendu et il est devenu le plus grand du Benelux, figurez-vous. Ouais, dingue, hein. Dingue. Et on ira au camping aussi. Qui a fait du camping cet été? Comme Patrick Chabat. Personne. Personne. On se penchera sur les campings wallons et puis les vacances se terminent. Si vous avez des souvenirs et que vous en avez ramené, dites-le nous sur la page Facebook. Quelle est la babiole que vous avez cru acheter à un producteur local et qui était construit en Chine? Dites-le nous sur Facebook. Voilà, sur notre page, on n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail. L'adresse est pigeon@rtbf.be. Laissez un message sur le répondeur 070 222 660 ou envoyez un SMS au 3063. C'est 50 centimes le message. Un peu de musique aussi. Allez, un peu de musique. Un petit souvenir côté musical avec Moby, plus près de chez nous, plus proche de chez nous, genre le tube de l'été, il y avait ça aussi. Et regarde, il y a la tête qui bouge toute seule. On dirait les chiens dans les voitures. Ouais, les chiens à l'arrière des voitures avec la tête qui bouge. Vous écoutez, on n'est pas des pigeons, c'est sur Vivacité, c'est jusque 13h. Bienvenue tout le monde. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop that. La technique du slip trop court. Can't stop the feeling. C'était Justin Timberlake sur Vivacité. Votre courrier est arrivé. Oh, toujours le papier. Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Ce week-end, sur notre page Facebook, on vous parlait du permis de conduire. Avez-vous suivi la filière libre ou au contraire, avez-vous pris des heures d'auto-école? Ça, ça vous a fait réagir. Mais oui, Laurine nous écrit « Filière libre avec mon papa qui n'était pas du tout stressé, avec ses grandes mains qui prenaient tout le tableau de bord, les bras bien tendus et le fameux frein imaginaire. Je l'ai eu grâce à mes très bons réflexes d'après le moniteur. On a tous ce souvenir. Oui, le papa pied du papa qui c'est ça. Oui, il continue à freiner quand il est avec moi en voiture. Boris, le permis pour un total de moins de 100 € en filière libre, évidemment, il y a 7 ans, pas de stress, il faut savoir être attentif. Christophe nous écrit, pour ma part, j'ai payé 1 000 € pour mes cours d'auto-école. Il y a quand même moyen d'être bien formé via des auto-écoles à 1 000-1 200 €. Sur la page Facebook, on vous parle aussi des abeilles noires, une abeille typiquement belge qu'il faut protéger. Oui, et Catherine nous dit, les abeilles, elles sont toutes dans mon jardin à butiner mes fleurs et c'est une chance. Par contre, pas une seule guêpe cette année. Vous en avez vu, vous, nous demandez. Et Alain lui répond « Très peu, Liberty aussi. » Oui, en effet, très peu. Faut aller. Je fais bien les auditeurs, les spectateurs. Vous devriez faire du doublage de série B. Bon, heureusement que vous n'êtes pas allé plus loin dans l'alphabet. Liberty continue en disant « Faut aller voir du côté des prédateurs des abeilles. Par contre, très peu de papillons aussi. J'apprends à mon tcho que cueillir une fleur, c'est piquer la nourriture d'une abeille. » Voilà donc ce qui vous a fait réagir sur la page Facebook, mais ce qui vous a fait le plus réagir. Ah, florilège. C'est notre relooking, le relooking de l'équipe par David Jean Motta. Oui, et alors, je dois être honnête, ça n'a pas plu à tout le monde. Vous allez c'est comprendre. Sûr. Alors, Marie-Claire, pour l'équipe féminine, ok, mais elle se débrouillait fort bien toute seule. Quant aux garçons, c'est une blague. Pas possible autrement, mais c'est rigolo. Alors, GKM, pareil, l'équipe féminine, c'est ok, elles ont du goût et se débrouillent de toute façon sans aide. L'équipe masculine, c'est autre chose. Carlos est bof-bof, faut aimer la couleur. Il est habillé en Parme, il est habillé pour un Italien, c'est mignon. Voilà. Raphaël, ça marche, rien à signaler. Bah oui, donc lui, on lui avait ébouriffé les cheveux. Voilà, il y en a vermis là où il part. Quant à Sébastien, alors Sébastien, n'écoutez pas. Au secours, la barbe naissante et les lunettes, ça peut passer. Mais le haut de pyjama de mémé et le blazer en jeans de maman, please. Faut les rendre à leur propriétaire. Courage, les gars. Et enfin, Martine, qui n'aime pas non plus la tenue de Carlo. Hein. Carlo, la chemise et le foulard, c'était bien au départ. Mais le gilet Parme, c'est pour papy, s'il n'avait plus rien à se mettre. Et je peux réagir, de oui. Parce que je me sentais un peu concerné par les critiques sur l'équipe. Mais il y en avait encore d'autres, je ne peux pas tout lire. Des garçons, et aussi sur ma page Facebook. En même temps, je me suis dit, si tu es un petit peu sensible à la critique, tu te pends après les commentaires des gens. Mais alors, ce qu'il faut expliquer aussi aux gens, c'est que l'émission de jeudi, j'ai pas de barbe. L'émission du vendredi, j'ai une barbe de 3 jours. Faites un peu le calcul, dites-vous que ça n'est pas possible et que cette barbe, elle était dessinée au crayon. C'était une fausse. Là, j'en ai une vraie. T'en penses quoi? La barbe de 2 jours, une vraie. C'est pas mal. Ah, tu vois? On la garde à la télé ce soir, celle-là? Oh oui. Et les lunettes, ai-je le choix? Non, j'ai 42 ans, je ne vois plus rien. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Oh, c'est trop long les vacances cette année. Ouais, je trouve aussi. Vivement la rentrée pour regarder le profil de toutes les nouvelles nanas de notre classe, mater leurs photos de vacances, vérifier leur statut pour voir si elles sont célib, en couple ou du genre compliqué, les inviter à me suivre sur Instagram pour qu'elles voient que je suis un mec cool, continuer à chatter avec toi en illimité même si on est assis côte à côte et faire des battles de Pokémon Go pendant les cours de Monsieur Dupré. Il a trop une tête de Pikachu lui. Il n'y a qu'un seul réseau qui soit le meilleur pour surfer et partager hyper vite. Le plus impatient des réseaux. Vérifiez sur proximus.be/qualité. Il me faudrait bien un nouveau smartphone, tiens. Pour la rentrée, chez Proximus, profitez d'un iPhone 6S à seulement 99 € avec un abonnement Smart Plus Phone 45. Infos et conditions sur proximus.be. Proximus, infiniment proche. Oui, c'est le moment de leur dire oui. Oui à Disneyland Paris. Réservez pendant les jours du oui avant le 29 septembre pour bénéficier de jusqu'à 30% de réduction sur votre séjour. Et en plus, le séjour est gratuit pour les moins de 12 ans. Réservez chez Jet Air Center, votre agent de voyage ou sur jetair.be. Les Woofies reviennent chez Shoe Discount. Ces chaussures de qualité pour les enfants, approuvées par les podologues. Achetez-les et recevez un pot de jeu de pluie gratuit. Ça, c'est bon à savoir. La 2, en télé. Ce que je vais te raconter est top secret. Le projet de démanteler la plus grosse société au monde. Tous les dossiers de crédit, d'hypothèques ou encore de prêts immobiliers seraient intégralement effacés. Si tu fais ça, tu déclencheras la plus grande révolution. Mister Robot, les 2 premiers épisodes, ce mercredi, sur la 2. Viva Bruxelles présente Ça y est, enfin, les plus belles bêtes de l'impro sont de retour à Bruxelles. Venez les observer au bouche à oreille les 1, 2 et 3 septembre. Toutes les infos sur motamo.be. M-O-T-A-M-O.be. Mais que s'est-il passé aujourd'hui? Tout ça, c'est wallon, tout ça, c'est bon. Ici, tout ça, c'est pour vous. Là-bas, sur les réseaux. On va revenir sur cette vidéo qui tourne énormément. On en rit ou on en pleure? On entend à la fois Facebook, Instagram. Ou on en pleure de rire. Un footballeur, ça simule encore plus qu'une femme. À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu et parler de votre actu. Moi, forcément, je le sais puisque j'ai cherché la réponse. Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h avec Cyril. C'était Moby avec In This World. Bon, je récapitule dans le calme. On la débusque. On la passe à l'acide. On la découpe au laser. On la dissout et on balance ce qui reste dans le lac Daumesnil. Il est 11h19 et en 11h19, on accueille Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Début août 2015, vous achetez deux moustiquaires. C'est ça, tout à fait. C'est bien parce que vous n'aimez pas ces bêtes. Pardon ? Vous n'aimez pas ces bestioles. Non, pas très bien, pas très bien. Ma compagne les supporte, mais c'est moi qui me fais piquer à chaque fois. Ah, c'est vous aussi dans la famille. C'est vous aussi dans la famille. Il y en a toujours un qui se prend tous les moustiques pour tous les autres. Voilà, c'est moi la victime. Et donc, vous achetez ça et vous avez mis pas mal de temps avant de les recevoir. Ben c'est ça, on s'est engagé début août à commander 2 moustiquaires. En effet, on les espérait avant la fin de l'été. On les a pas eu en août, pas en septembre, on les a eu début octobre. Donc là, la saison des moustiques était passée. Et forcément, ça nous a... Allez, c'était moins utile, moins important en ce moment-là de les avoir. Et donc, suite à ça, j'ai demandé un dédommagement, enfin un geste commercial, parce que bon, c'était plus vraiment ce qu'on espérait. Mm-hmm. Il s'avère qu'eux se sont engagés à nous offrir un moustiquaire supplémentaire. Ouais. Donc, à notre grand étonnement, c'était plus que prévu, donc on était assez contents. On se dit, tiens, chouette, ils font un chouette geste commercial. Et c'est là qu'en fait, la relation s'est un peu compliquée, parce que depuis le mois d'octobre, aujourd'hui, on n'a plus vraiment de contact. On y a un échange de mails intense, mais sans réactivité. Et donc, un an plus tard, on est toujours au même point. Et pas de nouvelles. Et pas de nouvelles. Et ils vous ont dit pourquoi, à l'époque, ils avaient mis autant de temps à livrer vos 2 moustiquaires? Bah apparemment, c'était l'usine qui avait des problèmes de production. Enfin, je sais pas très bien ce qui s'est passé. Bon, on était un peu tolérant, mais il y a quand même un moment où voilà, on accepte un peu de retard, mais oui, surtout les moustiquaires, c'est vrai, Annie, on utilise ça pour l'été et les recevoir. Oui, c'est-à-dire que recevoir ça au mois d'octobre quand il y a presque plus de moustiques ou plus du tout, ouais, d'ailleurs, ça ne sert plus à grand-chose. On s'en fiche. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire dans... Alors, ce qu'on peut dire, c'est que bon, j'ai reçu tout l'échange des mails avec la société qui est la société Moustop, elle porte bien son nom, hein, Moustop. Oui. Alors, copie de la facture, etc. Et donc, la facture totale, vous me direz, c'est peut-être pas grand-chose, ça tourne autour de 280 euros, quand même. Le problème ici, c'est qu'effectivement, on ne donne pas trop de motifs sur le retard, on dit simplement que la fabrique a accumulé du retard, voilà. Et puis, il y a un mail du mois d'octobre qui envoie le solde à régler, donc la copie de la facture avec le solde à régler, et dans ce mail, on dit très précisément, la société s'engage à reprendre contact avec Julien pour lui offrir un moustiquaire fixe, fixe. Voilà, donc c'est clairement indiqué, noir sur blanc dans un mail. Et tout a été payé alors? Et tout a été payé, tout à fait, oui. Voilà. Et donc depuis octobre 2015, on est quand même fin août 2016, il n'y a toujours rien. Il y a des mails, on a l'impression que vous n'êtes pas mis tellement d'accord. D'un côté, vous dites, j'attends la moustiquaire que vous m'avez gentiment offerte, et on vous dit, oui, mais donnez-moi les dimensions, et vous vous répondez, non, je ne suis pas le professionnel, c'est vous qui devez venir prendre les dimensions. C'est un petit peu ça aussi. C'est logique, oui. Oui, c'est ça. Voilà, et donc depuis, pas de nouvelles. Moi, j'ai envoyé un mail, pas de nouvelles non plus. Avant d'aller plus loin, un ou une moustiquaire? Eh bien, j'ai vérifié au dictionnaire. Larousse dit une. Larousse dit une. Alors, si Larousse dit une, on va dire une. On appelle la société? On appelle la société Moustop. C'est parti, un petit coup de fil à la société Moustop. On a un nom en particulier à demander, Annie. Oui, on a un monsieur qui s'appelle Nicolas. Bon. Alors, c'est un portable. Il y a 3 autres portables que j'ai essayés. Ah ben voilà, on est redirigé là. On est redirigé et je sens qu'on va laisser un petit message. D'accord. Vous êtes comme ça, vous. Je suis comme ça. Il y a un Gwynac, mais Nicolas ? Oui, bonjour Nicolas, Sébastien Nolvaux, vous êtes en direct sur la radio Vivacité dans l'émission On n'est pas des pigeons. Je vous téléphone 2 secondes parce qu'on a un client de la société Moustop en ligne, Julien, qui a commandé des moustiquaires en août 2015. Il les a reçus en octobre et vous aviez promis à l'époque, votre société avait promis à l'époque un dédommagement, un troisième. Un dédommagement d'une moustiquaire, c'est ça? Oui, et il n'a jamais rien reçu. Je vous présente Annie Allard, qui est notre juriste et qui règle le dossier. Oui, j'ai reçu son petit email. Bonjour à tous. Oui, bonjour monsieur. Donc je vous explique un petit peu le petit souci que nous avons avec monsieur Dumont. Effectivement, il a commandé ses moustiquaires pendant qu'on congé le bâtiment. Ça a pris un peu plus de temps parce que l'usine était donc fermée. Ouais. C'est pas faire de miracle, hein. Vous savez bien que pendant les congés de bâtiment. Les congés, c'est les congés, c'est sacré, monsieur. Oui, les congés, c'est sacré pour tout le monde aussi. Donc, effectivement, la commande a pris un peu plus de temps que prévu. Et donc, nous avons, au lieu de livrer en 1 mois, on avait livré en 2 mois. Mm-hmm. Ça arrive, pas de chance. Donc, ce qu'on avait proposé, c'est effectivement de lui offrir une moustiquaire d'une valeur de plus ou moins 50 euros. Oui, mais ça, on a les mails, on a tout expliqué là, mais il n'y a toujours rien depuis le mois d'octobre. On a pris plusieurs fois, donc M. Dumont a pris plusieurs fois contact avec nous. On a essayé de solutionner le problème. Dernièrement, donc je pense que c'était juste de nouveau ici, avant le congé du bâtiment, nous avions proposé 3 dates à M. Dumont pour passer chez lui. Et malheureusement, ça n'allait pas pour lui. Donc, ce qu'on propose éventuellement de faire, c'est de reprendre contact avec M. Dumont et cette fois-ci, donc effectivement, bien passer sur place. Julien, t'as avec nous en ligne. Oui, ok. Il y avait également une deuxième possibilité, c'est que soit on rembourse un montant de 50 euros, ça on en a discuté encore ce matin en comité direction, on va dire, ou alors, voilà, on peut verser 50 euros sur son compte, il n'y a pas de souci, comme ça, il sera... Et l'affaire est réglée. Attendez, il nous entend. Julien est avec nous. Julien, deux possibilités sur la table. Qu'est-ce qui vous intéresse finalement ? Bah écoutez, je vais réfléchir à la proposition et je tiendrai monsieur au courant de mon choix. Oui, mais monsieur Nicolas, quand vous dites que vous allez venir installer la moustiquaire, et pas la moustiquaire, c'est pour quand? C'est pour novembre 2016 ou bien vous allez le faire maintenant? Bah écoutez, de toute façon, bon voilà, là maintenant les congés sont terminés, donc il faut plus ou moins, de toute façon, avec ça, vous pouvez, 3 semaines au moins avant la fabrication de la moustiquaire, il faut aussi avoir les mesures. Donc, pour, comme pour ça, c'est à vous à venir les prendre, les mesures, c'est vous le professionnel, oui, c'est pas ça, le client qui doit vous les fournir. Hein. Ben, c'est-à-dire qu'on a expliqué comment il faut faire, c'est très facile à apprendre, même vous. Et attendez, le jour où il y a un souci sur des dimensions qui ont été mal données, fournies par le client, vous direz que c'est de la faute du client. Donc logiquement, c'est le professionnel, c'est au professionnel oui, à venir comme à je se vous déplacer. Explique, oui. C'est juste une simple mesure, comme ça, à la limite, moi je sais voir si dans... Parce qu'on a fait plusieurs moustiquaires dans le bâtiment, et d'accord. Donc normalement c'est toutes les mêmes fenêtres. Donc en fonction du... de la mesure, je sais dire quelle fenêtre c'est du bâtiment. Okay. Normalement, on peut pas se tromper. Bon, mais vous ne donnez pas de date. Et, bon, donc, et si, voilà. si vous voulez rembourser les 50 euros, vous allez le faire quand? En fonction de la réponse ça, de Nicolas qui s'engage. Enfin, il faudra que M. Dumont me dise exactement très ce vite, veut, hein, Nicolas. Très vite, Julien. Julien, vous prenez votre décision très vite. Vous avez les numéros. Oui, même ils ont tous les coordonnées voilà. De toute façon. Donc, mais et je fais l'intermédiaire. Affaire en passe d'être réglée. Bien. On va dire ça comme ça. En passe d'être réglée. Julien, vous nous tenez au courant. On fait comme ça. Oui. Ok. Eh ben, merci pour votre intervention. Mais de rien, avec plaisir. D'ailleurs, si vous qui nous écoutez avez un petit souci dans la vie de tous les jours, n'hésitez pas à résumer rapidement votre histoire et nous l'envoyer via mail, notamment Aurore. Oui, à l'adresse pigeon@rtbf.be. Vous pouvez aussi laisser tout ça sur notre répondeur 070 222 660. Vous n'oubliez pas de laisser un numéro de téléphone. En quelques instants, c'est le journal de la conso et on vous dira que les Pokémon Go arrivent en Wallonie. Ce sera Chan Chien Nanes Go ou je ne sais pas quoi Go. Mais Jean de Nivelle. Jean de par n'importe exemple, quoi, mais Go derrière. Voilà. Version Wallonne. Tu as réussi ta 6e technique ou professionnelle? Tu veux devenir infirmier hospitalier? Alors viens avec nous à l'ECNA Sainte-Élisabeth, une école dynamique et réputée, derrière la clinique Sainte-Élisabeth de Namur. Dès la première année, tu auras 12 semaines de stage. Après une formation en 3 ans et demi, tu obtiendras ton brevet d'infirmier qui te permettra de trouver rapidement du travail. Ça te tente? Tu trouveras bien plus d'infos sur ecnas.be, ECNAS.be. ECNAS 081 72 34 80. Pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. Viva Bruxelles présente les croisières guidées de Brussels by Water. Jusqu'au 31 octobre, venez découvrir nos voies d'eau de la manière qui vous plaît. Courte croisière jusqu'à Anvers ou croisière apéro en soirée, il y en a pour tous les goûts. Et pourquoi ne pas vous déplacer en bateau avec le Waterbus? Info brusselsbywater.be. Hé, hey, c'est encore moi, Hip. J'ai entendu tout ce dont vous avez besoin pour la rentrée. Ça fait hyper beaucoup. Heureusement, dans votre hypermarché Carrefour, vous trouvez les meilleurs prix garantis sur des centaines de fournitures scolaires. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, bam, on vous rembourse 5 fois la différence. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Ces faits et gestes que je n'ai pas su t'accorder. Oui, je sais que c'est la vie. J'ai choisi de t'aimer. J'aimerais que tu reviennes. Tu reviennes. Tu sais, je ne suis qu'un homme. Des erreurs, j'en referai. Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais? Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais. Dis-moi que tu m'aimes. Que tu m'aimes. C'est la vie. J'ai trahi. Et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille. Et dans la nuit, je vois que tu souris. m'aime, mais tes souvenirs me hantent. La nuit dans mon sommeil, j'en deviens somnambule. Et je t'avais pris pour acquise, tu m'as tourné le dos. J'avais cru soumise, mais ces mots sonnent faux. Et quoi qu'on en dise, je suis ton héros. Aujourd'hui tu me fuis, tu me fuis. C'est la vie, j'ai trahi. Et ça m'a fait grandir, j'en perds ma taille. Et dans la nuit, je vois que tu souris. Écoute-moi, je t'en prie, tu as le plus beau des chats. J'entends sa voix si belle au timbre angélique. Sur Vivacité, Mi Amor. Souffle, non c'est... On dit souffle. Souffle, souffle. Non, souffle sur tes bougies. Ça. Souffle, allez, souffle un peu, gamin. Oh. Non, dites un peu plus sérieusement, lisons la presse du jour. Très sérieusement. Non, la presse sérieuse, s'il vous plaît. Oui. Avec, dans le soir, un dossier sur la société wallonne qui tente, une société wallonne qui tente de rivaliser avec Pokémon Go. Bah, c'est pas rien. Non, ça c'est sûr. Ouais. Alors, être adepte de la chasse aux Pokémon et consommer local, c'est possible. C'est ce que je voulais vous dire. La société Apocalypse Hunters, c'est une start-up qui est basée à Jambleau, vient de conclure un partenariat avec un distributeur de jeux vidéo qui ont notamment les licences pour des jeux comme Pac-Man ou Dragon Ball. C'est pour ça qu'on entendait... Qu'est-ce qu'on entendait là ? Johnny. C'était Pokémon, voilà. Bien, je suis pas du tout au courant, moi. Donc, ils sont aussi en discussion avec Warner Bros. Qui détiennent les droits d'un certain... Harry Potter. Donc quand même Pac-Man, Dragon Ball, Harry Potter, vous voyez que ça va être du lourd. Le but est de lancer un jour un jeu géolocalisé comme Pokémon Go, mais donc version wallonne, ouais, avec des personnages comme ceux dont je viens de vous parler, donc ils visent très gros hein, quand même. Rivaliser ouais, Pokémon Go. Chanchego, Nanesgo. Non, il y en a quoi d'autre comme personnage ? Barrage de l'odeur go. Non, ça ne marche pas. Ça, ce serait sympa en fait. Ouais, quoi. Voilà. Kangourou. De faire un jeu comme ça. Mais oui, mais évidemment, vous savez, oui, Annie, il y a de l'argent à se faire. Il y a de l'argent à se faire. Nous allons en discuter cet après-midi. Nous allons lancer notre. On va plancher sur le sujet. On reste dans le monde merveilleux des nouvelles technologies avec une application en test pour commander son sandwich. Oui, le but premier est d'éviter de faire la file le midi et de rogner sur sa précieuse heure de table grâce à Skip Queue. Donc l'application qui permet de commander et de payer son sandwich. Elle est en phase de test dans une douzaine de snacks pour le moment et de sandwicheries bruxellois et bruxelloises. Et d'ici fin septembre, eh bien, le chiffre montera à 40, mais toujours pour une phase de test. Il est possible de réserver jusqu'à 30 minutes avant d'aller chercher son sandwich, jusqu'à 12h30. Mm-hmm. Hein, et Skip Queue. Pas facile à dire. Hein. Non, c'est ça. Skip Queue est téléchargeable gratuitement sur iOS, Android ou aussi via le site internet skip-queue.com. Tu sais quoi, la file à la cafette, c'est bien aussi. On papote avec les collègues. Hein. Ça aussi, mais pour ceux qui sont vraiment très pressés. Voilà, mais nous aussi, ça. On est très pressés. Mais on parle avec les collègues quand même. C'est un côté un petit peu sympa. C'est sympathique. On part à Mons. À Mons, il y a les bus intramuros. Ils étaient gratuits. Mais ils ne le sont plus. Et le problème, c'est que personne n'est au courant. Et c'est à lire dans les journaux du groupe Sud Presse. Oui, donc si vous êtes déjà promené à Mons, vous les avez sans doute vus. Ce sont des petits bus dits intramuros. Ils vous emmènent de la gare au centre, par exemple, ou de la gare au centre commercial des Grands Prés. Donc Jacques nous parlera un petit petit peu plus tard. Alors ça se faisait gratuitement, c'était un petit peu la fierté de la ville ou en tout cas sa particularité parce que c'est quand même rare d'avoir des bus gratuits et c'était très pratique. Alors les bus existent toujours mais depuis le 1er juillet, ils sont payants. Alors c'est 2,10€ si vous payez le trajet simple et si vous les achetez par carte, enfin c'est en groupe je vais dire, c'est 6€ pour 20 voyages. Le souci, c'est qu'il n'y a pas eu de publicité autour de ces nouveaux tarifs et qu'il n'y a pas non plus d'indication aux arrêts, donc c'est écrit nulle part. Et du coup, les voyageurs qui montent à bord sont un petit peu surpris. C'est ce que reproche l'opposition montoise, qui redoute aussi surtout la rentrée des classes. Parce qu'il y a plein de petits jeunes ou de parents qui accompagnent les enfants, qui utilisaient ces bus et qui ne sont toujours pas au courant que c'est payant. Mais les TEC, donc les transports en commun ENO, se défendent en précisant que du personnel accompagnera les chauffeurs les 2, 5 et 6 septembre pour informer les passagers. Eh ben, le premier, non. Hein, ça vous fait une belle jambe si vous prenez le bus. Exactement. Le 1, le 3, le 4. Oui, et voilà. Et puis, pas le premier, c'est vraiment la rentrée. C'est ça. Donc, voilà. Et d'autant plus que la mesure est quand même en application depuis le 1er juillet. Mais quoi oui, dans les prochains jours, si on donnait un petit coup de fil au TEC. Oui, et à la commune aussi. On va faire un truc comme ça. On va terminer avec un nouveau type de livraison un peu particulier pour les pizzas. Oui, ça se passe en Nouvelle-Zélande, mais ça pourrait arriver chez nous aussi, puisque c'est Domino's Pizza qui lance le concept, la livraison par drone. Donc l'engin a été adapté pour pouvoir transporter le carton de la pizza. Il fait du surplace aussi, donc une fois qu'il arrive devant la porte d'entrée, il fait du surplace. Et alors il dépose la pizza à l'aide d'un câble. En 2013 déjà, la chaîne avait fait un test du genre, ça s'appelait Helico quelque chose, mais c'était une sorte de prototype. Cette fois donc c'est du vrai. Et en fait il profite d'une nouvelle législation en Nouvelle-Zélande qui permet justement les livraisons commerciales par drone depuis l'année passée. On n'arrête pas le progrès. Mais si on habite au 23e étage, comment on fait le drone? Il passe. Il se met à la bonne hauteur. Et puis il se met au 23e étage et puis il lâche la pizza. On fout, elle est déjà plate, on s'en fout, c'est pas grave. Si vous avez envie de réagir par rapport à ça, par rapport à tout ce que vous entendez, c'est sur Facebook que ça se passe. S'il arrive après la pause, et puis on retourne à Mons, les Grands Prés, qu'est-ce qui se passe au Grand Pré? C'est devenu le plus grand centre commercial du Benelux. Carrément. C'est fou. Hein. C'est dingue. Vous connaissez l'histoire de cet électricien qui a pété les plombs? Ou celle de ce marchand d'antivol qui s'est fait cambrioler? Ou de cette entreprise d'extincteurs qui a brûlé? Non, c'est normal. Vous avez mieux à faire qu'imaginer le pire pour votre entreprise. Moi, c'est mon métier. Alors, passez me voir et effectuons un check-up de vos assurances professionnelles. J'ai plein de conseils à vous donner. Pour maintenant et plus tard. Votre agent d'assurance CBC. Anticipez pour mieux faire avancer les entrepreneurs. CBC, décidez d'avancer. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. C'est la rentrée, mais on est encore de sortie. Nous vous attendons samedi au pied des éoliennes de Perouet, dans le Brabant Wallon. Nous aurons toute la place pour pédaler entre le domaine viticole de Melmont, le prieuré de Malève-Sainte-Marie-Ouastine et Torrembel et Béguines. À l'arrivée, juste avant l'apérobique, le grand retour des Charlots. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Vivacité et la 2 présente l'AG Insurance Memorial Van Damme le vendredi 9 septembre au Stade Roi-Baudouin. Le plus beau meeting d'athlétisme au monde fête ses 40 ans avec les meilleurs athlètes des Jeux Olympiques. Un feu d'artifice et un concert pétillant pour clôturer la soirée. Plus d'infos sur aginsurancememorialvandamme.be. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de vivacité. Alors, demain matin dès 4h30, Bernard Dewey vous réveille avec vivacité. Sophie, il ne reste que quelques jours pour en profiter. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Bon, allez, on y va. Profitez de la grande liquidation avant travaux au meuble Lambermont à Bertry. Séjour, living, chambre à coucher, salon, literie. Tout doit disparaître. Meuble Lambermont à Bertry en Ardennes, E411, sortie 25. Ouvert aussi les dimanches et jours fériés. On fait un point info route avec vous, Anne-Michel Voubert, accident sur la E313. Effectivement, sur ce tronçon vers Liège, à hauteur des Rentals, le passage s'effectue uniquement via la bande d'arrêt d'urgence. 7 km de file, une retenue donc de 30 minutes en direction de Liège. On a toujours ce camion en panne sur le 411 Namur-Bruxelles, entre Overes et Jésus-Aigle. La bande de droite reste neutralisée. Des files à la clé sur plusieurs kilomètres. Vous perdez encore près d'une quinzaine de minutes en direction de Bruxelles. Des ralentissements encore pour accéder à la capitale sur le 40 venant de dialogue entre Ternat et Grand Bigard. Accident sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure à hauteur de McKellen. La bande droite est neutralisée. On relève des fils en direction de Vilvoorde. Et puis attention, un objet encombrant, enfin c'est plutôt un grand plastique qui s'envole à travers les voitures sur le 40 Liège-Bruxelles. Peu après Crisney, la bande de gauche est donc encombrée en direction de Bruxelles. Rue, avenue, chaussée, boulevard. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. That when it snows, my eyes become alive, and the light that you shine can't be seen. A man can tell you so much he can say. Souvenir de 1994 avec Seal, Kiss from a Rose. On n'est pas des pigeons. Allez, on prend la direction de Mons et de ses environs. Et on s'arrête au centre commercial des Grands Prés, où il s'est passé des choses pendant ses vacances, Jacques. Mais oui, figurez-vous que depuis le 17 août, avec l'ouverture d'une vingtaine de nouveaux magasins, le centre commercial des Grands Prés est devenu le plus grand shopping center du Benelux. Quelques chiffres alors, les Grands Prés, c'est désormais plus de 100 000 mètres carrés de surface commerciale, 110 points de vente et 1 500 emplois. Une activité qui a été boostée récemment par l'implantation d'un énorme supermarché Carrefour, que certains ont appelé le Carrefour du futur. D'accord, oui, wow. On avait été filmé d'ailleurs dans l'émission. Et puis aussi par l'ouverture du magasin Ikea. Développement impressionnant. Oui, le centre commercial a été inauguré en septembre 2003 et donc 13 ans plus tard, pour cette année 2016. On estime qu'il devrait accueillir 8 millions de visiteurs, c'est considérable. Mais vu ce développement, développement, on peut du coup se demander ce que devient le centre-ville de Mons et ses commerces. Parce qu'au départ, quand les Grands Prés ont été lancés, ce centre commercial était annoncé comme complémentaire à l'activité commerciale du centre-ville. Je me rappelle avoir fait des sujets à l'époque. Effectivement, le centre-ville a peut-être un petit peu changé. On va voir ça avec Jean-Luc Callonger. Bonjour, vous êtes le président de l'association du management du centre-ville de Mons. Bon alors, est-ce qu'il y a eu des effets collatéraux au développement des Grands Prés sur les commerces montois du centre-ville ? Oui, alors, bonjour, il suffit d'écouter de ce qui vient d'être dit. C'est le plus gros pôle commercial du Benelux. Or, le bassin urbain de Mons n'est pas le plus gros du Benelux. Et donc, effectivement, la MCV a constaté au fur et à mesure des mois qui passaient une détérioration d'un certain type de commerce dans le centre-ville. Okay. Donc, le commerce succursaliste, celui qui se trouvait dans la rue, dans les rues piétonnes. Et donc, le type de commerce qui est touché n'est pas du commerce indépendant, mais du commerce succursaliste. C'est-à-dire mais ça veut dire quoi ça veut dire, H&M et ces trucs-là, quoi ? H&M, CA, et puis tous les gens qui se trouvent là. Hein, donc, il y a toutes les enseignes qui sont au Grand Prix maintenant étaient ou auraient pu être des enseignes de centre-ville. Du coup, il y a quand même une possibilité, vous pensez, de faire coexister les deux centres, le centre commercial historique, on va dire, et les Grands Prés ? C'est illusoire. C'est-à-dire que les Grands Prés ne vont pas disparaître du jour au lendemain, donc ça veut dire que le pôle commercial, le centre commercial de la région de Mons se trouve maintenant au Grand Prés. Et donc pour le centre-ville, il y a deux possibilités à envisager. Soit on se dit, on essaye de ramener des succursalistes, donc des chaînes comme celles qui ont déjà été citées, pour essayer de relancer le centre-ville, mais le centre-ville ne sera jamais qu'un tout petit satellite des Grands Prés. Ou alors on développe une nouvelle économie de proximité pour que les gens qui habitent en centre-ville voient l'intérêt d'être en centre-ville, de pouvoir faire les courses à pied, mais ça ne sera plus jamais un shopping center de la taille de ce qu'il a été. Oui, c'est ça, il faut développer un autre type de commerce en parallèle. Oui, c'est ça. Mais une nouvelle économie de proximité, ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer régénérer des flux aussi importants que ceux qui ont existé. C'est-à-dire que le centre-ville de Mons d'antan n'existera plus. Voilà, sauf si vous mettez une tombe au Grand Prix, mais ça, on ne peut pas le faire. Ouais, en même temps, on parle de l'arrivée d'un magasin Primark dans le piétonnier. Et on sait que ces magasins-là, ça attire vraiment beaucoup de gens. C'est une manière aussi de rebooster l'économie du centre-ville. Oui, ce serait peut-être une possibilité de dire... Pardon, on va essayer de ramener des anciennes locomotives. Mais le Primark dont vous parlez, il est bien connu sur le marché. C'est une machine de guerre qui génère... beaucoup de flux, mais c'est un magasin qui génère un flux généralement de faible qualité commerciale. C'est-à-dire généralement ce sont des prix relativement bas, des produits d'entrée de gamme, comme on dit. Alors qu'est-ce qu'il vous faut, et on terminera avec ça, qu'est-ce qu'il faut pour vous pour contrer les Grands Prés et faire que le centre-ville de Mons reste attrayant ? On ne contrera pas les Grands Prés. La machine de guerre est trop forte. Mais qu'est-ce qu'il faut faire au centre-ville alors ? Il faut pouvoir développer une qualité de vie agréable dans le centre-ville et un commerce hyper spécialisé, mais hyper spécialisé et de proximité. C'est-à-dire, je pense qu'il faut se concentrer son énergie et que tout le monde travaille dans ce sens-là. Ben voilà, merci Monsieur Callonger d'avoir fait le point avec nous là-dessus. On va passer à la suite dans cette émission et on parle de tout dans cette émission. Après les magasins, nous allons aller faire du camping. Qui a fait du camping autour de la table cet été ? Pas moi. Oh, pas moi non. Cyril, t'as fait du camping ? Non, il n'a pas fait de camping, mais pourtant, il viendra nous en parler dans 3 minutes. Vivacité présente les showcases Joker Plus du beau vélo de Ravel. Hola, c'est Paula de la Negra Albina. Venez le samedi 3 de septembre nous rejoindre à Pérouet pour faire la fête lors des beaux vélos de Ravel. Nous partagerons la scène avec les Charlots. Hasta pronto. Le showcase Joker Plus du beau vélo de Ravel, ce samedi 3 septembre à Pérouet. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. Cet été, changez de véhicule tout en conservant votre budget vacances. Profitez de conditions Summer Days chez Peugeot Bruxelles sur plus de 900 véhicules d'occasion et de direction disponibles immédiatement. Rendez-vous dès maintenant chez Peugeot Méser et Peugeot Uccle Drogon Boss. Party rain from the sky above. Le DJ français Kungs survive avec This Girl. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. Un petit nouveau dans l'équipe d'On n'est pas des pigeons, mais c'est pas un nouveau sur Vivacité. Cyril a rejoint la bande. Et Cyril, aujourd'hui, on parle d'un truc qui a peut-être concerné pas mal de gens cet été. Ah oui. Cet été, Boris passe ses vacances au camping de la plage. Ah, direction le camping. Alors, il ne faut pas aller bien loin pour passer de bonnes vacances. Le camping, il y en a un petit peu partout, on est d'accord. Ah mais il y en a énormément chez nous. Hein. Mais chez nous aussi, en Wallonie. Hein. Ouais. Ouais. Vous avez une idée du nombre de campings en Aucune Wallonie. Idée, non. 14. Bien plus. 55. Oh, plus 100. Je vais vous donner un indice. En 1991, il n'y en avait plus de 300. Ouf. Ah oui. Ah donc, 250. 200. Oui, alors, 200. Eh ben voilà, on est à 200. Ça a diminué bizarrement parce qu'il y a eu une réglementation qui a interdit l'utilisation du mot camping. Parce que l'appellation camping, en fait, c'est protégé. On ne peut pas appeler, si vous avez un terrain chez vous et que vous mettez des tentes dedans, vous ne pouvez pas appeler ça camping. D'accord. Il faut des installations fixes et tout ce qui va avec l'ambiance du camping, un Boris, une soirée disco, des tongs. Et oui, c'est sale. Non, arrête-moi, j'ai passé des années de vacances camping, alors c'est vrai qu'on trouve tout et n'importe quoi, mais globalement, c'est assez sympa. Mais c'est quoi le rapport qualité-prix? Un bon camping, c'est quoi finalement? Ah bah, un camping qui a une bonne qualité, c'est un camping qui a un bon nombre d'étoiles, a priori, puisqu'il y a des étoiles qui vont de 1 à 5, c'est ça qui va définir le niveau du camping. Et alors, comment sont attribuées ces étoiles? Ça signifie quoi? En fait, c'est un mélange de 75 critères qui va permettre de voir si vous avez 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles. Et c'est fait en fonction des services proposés, des sanitaires, de l'équipement, du cadre général, de la sécurité, de l'hygiène. Et alors aussi un truc qui n'était pas qui comptait pas il y a quelques années, c'est l'accueil. Mm-hmm. Et ça, c'est quand même hyper important parce qu'on peut avoir le plus beau camping du monde si après les gens sont hyper désagréables. On va pas passer des bonnes vacances. Et donc, qui vérifie ces étoiles? Alors ça, c'est le problème. Il y a 15 agents sur toute la Wallonie qui tournent. On pourrait se dire 15 agents pour 200 campings. Ça va, il y a attends, ils passent leur vie au camping. Il y a des jobs quand même qui sont cool. Hein. Et alors, on verra d'ailleurs ce soir à la télé qu'il y a des campings où il y a des bières qui sont pas chères. Donc peut-être qu'ils ont l'habitude de contrôler plus certains campings que d'autres. Non, mais le truc, c'est les préjugés pourris. J'ai rien dit. Ils font pas que les 200 campings. Ils font aussi tous les hôtels. Donc la probabilité que le camping soit contrôlé chaque année, elle est quand même assez faible. Et donc, on peut tomber sur des mauvaises surprises et des bonnes. Parfois, on le verra ce soir en télé dans un reportage de Frédéric de Borsu. Niveau prix, ça donne quoi le camping en Wallonie? Alors, vous pouvez avoir des nuits à partir de 10 euros. Ça va, 10 euros pour ça, deux. C'est pas beaucoup, ça. Hein. Ah, alors, pour deux, en plus même, ça fait 5 euros la nuit. On balèze en calcul. Waouh. C'est clairement pas cher, mais pour ce prix-là, forcément, on a un petit espace, on a une petite tente. Et alors, après, ça peut monter avec des espaces super luxueux, avec, vous savez, les mobilhomes en ce moment. C'est ça, on n'est pas obligé d'aller avec sa tente. Voilà. Non, mais c'est important, on peut y aller comme ça, sans rien, les mains dans les poches, et on peut louer un truc. Exactement. Dans un bungalow. Bungalow, jacuzzi, on a une belle cuisine, on a une belle salle de bain, on a tout ce qu'il faut. Là, c'est combien? Ça monte, il faut compter à peu près une centaine d'euros la nuit, mais vous pouvez être jusqu'à 6 dedans. Oui. Donc si vous faites le calcul... Ça fait combien? On va voir notre pro des maths. Non, c'est fini, moi. À part diviser par deux, je sais rien mais on est un peu moins de 35 euros pour deux personnes pour la nuit. Trouver un hôtel à ce prix-là... Non, ça, c'est vrai que c'est... Est-ce que les communes doivent avoir des campings? Alors, il n'y a pas une obligation pour les communes. Par contre, si vous voulez avoir un camping chez vous, si vous avez un grand terrain et que vous voulez ouvrir un camping, vous êtes obligé de faire une demande à la commune. Et vous verrez ce soir qu'il y a des petites astuces. On verra que si vous avez un grand jardin, il se peut que de temps en temps, vous transformiez votre jardin en domaine et pas en camping. Parce que le camping est protégé. Le domaine d'Annie Allard. Ça donne envie. Non, mais il faut accueillir les gens, il faut sanitaire, vous offrir l'apéro. Le reste, je promets. Ah, c'est déjà pas mal. Ça, c'est pas mal. Et c'est douche commune, hein. Bah, évidemment. En attendant que ça chauffe dans les Bermudas, on va réfléchir au camping pour ce soir et on verra le reportage ce soir à la télé à partir de 18h30, c'est ça que je voulais dire. Côté musique, je ne sais pas si ça donne dans les campings, en tout cas c'est sur Vivacité jusqu'aux infos de midi. AC/DC avec Highway to Hell. ses vivacités, oui, c'est un choix de la programmation, oui, c'est une musique qu'on aime retrouver. Eh, ça se coud, hein, ça se coud dans les cuisines. Justine Hermans arrive pour les infos de midi, on se retrouve juste après. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est en quelques clics une foule de contenus à voir et à écouter en direct, plus tard ou même avant les autres. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Mais que s'est-il passé aujourd'hui? Tout ça, c'est wallon, tout ça, c'est bon. Ici, tout ça, c'est pour vous. Là-bas, sur les réseaux. On va revenir sur cette vidéo qui tourne énormément. On en rit ou on en pleure? On entend à la fois Facebook, Instagram. Ou on en pleure de rire. Un footballeur, ça s'y mêle encore plus qu'une femme. À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu et parler de votre actu. Moi, forcément, je le sais puisque j'ai cherché la réponse. Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h avec Cyril. Et si vous commenciez la nuit dans les bras de Régine Dubois? De 23h à minuit, on croit rêver. Et si vous la terminiez avec Bernard Dewey? Vivacité vous accompagne 24h sur 24. Même sous la couette. Elle est pas belle la nuit? Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Pour bien commencer la saison de sport, vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez Decathlon et sur decathlon.be. Maman, cette année, j'ai envie de faire autre chose. Ah, et qu'est-ce que tu veux faire, ma chérie? Gymnastique, danse, natation, équitation? Non, du rugby. Pour eux et pour tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. Vous écoutez Vivacité, il est midi. Les infos avec Justine Hermans. Bonjour Justine. Bonjour à tous. 5 personnes ont été interpellées à la suite de l'incendie cette nuit à l'INCC, l'Institut de criminalistique et de criminologie à Neder-Overhembeek. C'est une information du parquet de Bruxelles. Le point presse vient de se terminer. Écoutez Ine Van Weymersch, la porte-parole du parquet. Ils se sont donnés d'une manière ou d'une autre accès au bâtiment afin de mettre feu dans l'aile des laboratoires. Et nous ne savons pas encore quel genre de données ont été détruites. L'INCC fait des analyses dans des milliers de dossiers par an à la demande de l'autorité judiciaire. Donc il est trop tôt pour dire si des éléments, des pièces à conviction cruciales d'un dossier ou d'un autre a été détruit. Ce n'est pas une cible choisie au hasard. Il est clair que plusieurs personnes ont intérêt à ce qu'un incendie a lieu dans les bâtiments de l'INCC. Maintenant, c'est aux enquêteurs de déterminer qui est responsable pour cet incendie volontaire. 5 personnes ont été arrêtées. Ce sont 5 personnes qui se trouvaient juste après les faits dans les environs de l'INCC. Ils sont entendus en ce moment, mais ce n'est pas encore clair du tout s'ils ont un lien avec les faits et quel serait leur rôle éventuel dans les faits. La thèse terroriste, à ce stade, n'est pas du tout confirmée, mais nous devons garder la vision ouverte et donc plusieurs pistes sont enquêtées. Les précisions d'Ine Van Weymersch, la porte-parole du parquet de Bruxelles, au micro de Pierre Vandenbulck et Jean-Marc Viercé. Les fouilles ont repris ce matin dans la Sambre pour retrouver Anthony, ce garçon de 8 ans tombé d'un bateau de plaisance samedi à hauteur de l'Aube, à l'ouest de Charleroi. Pour l'instant, le jeune garçon est toujours porté disparu. Grâce à différents témoignages, la zone de recherche est plus ciblée. Les plongeurs sont assistés par un hélicoptère. Un terrible drame hier soir à Huy-Demont, dans la commune de Libramont. Un père et sa fille de 16 ans ont été tués par balle à leur domicile. Anne Lemaire, l'identité du tireur a été confirmée. D'après le parquet du Luxembourg, l'auteur de ce double meurtre est bien l'ancien petit ami de l'une des victimes, la jeune fille de 16 ans. L'homme, âgé d'une vingtaine d'années, habitant la région de Saint-Hubert, attendait le retour de la famille hier soir à leur domicile. Il a donc tiré sur le papa et sur sa fille. Une autre fille de la famille, âgée de 13 ans, a elle pu s'enfuir. Selon le parquet, il s'agit d'un acte prémédité. Les parents du tireur avaient récemment alerté les services de police, expliquant que leur fils les inquiétait et qu'il menaçait de s'en prendre à plusieurs personnes. Hier soir, quand la police a voulu intercepter le jeune homme chez lui, il s'est tiré une balle dans la tête. Il a alors été emmené à l'hôpital de Libramont. À l'heure qu'il est toujours dans un état critique. Merci Anne Lemaire pour ces précisions. À l'étranger, au Yémen, au moins 60 personnes ont perdu la vie lors d'un attentat suicide à Aden, au sud du pays. Il visait un centre de recrutement de l'armée. Le groupe terroriste État islamique a revendiqué l'attaque. En Irak, deux autres attaques suicides ont fait, elles, au moins 18 et 15 morts. En sport, du tennis, l'US Open, le dernier grand chelem de la saison, commence aujourd'hui aux États-Unis. 6 Belges sont de la partie, 3 montent déjà sur les cours aujourd'hui. Steve Darcy, Alison Van Uytvanck et Elise Mertens. Elle n'a pas été gâtée pour sa première participation à un tableau final, puisque son adversaire au premier tour, c'est l'Espagnol Garbine Muguruza. C'est la troisième joueuse mondiale. RTBF Mobile Info avec Anne-Michel Vlouberg. Il y a des complications sur le ring de Bruxelles à la suite d'un accident. Et effectivement, en circulation extérieure à hauteur de Woluwe-Saint-Etienne, le passage est difficile et ce, vers Grand-Bigard. Vous perdez là une trentaine de minutes. On relève d'importantes files avec des répercussions sur le 40 venant de Liège entre Berthem et Woluwe-Saint-Etienne. Il semblerait que 3 véhicules et 2 camions soient impliqués. Il y a un grand dispositif de secours sur place. On n'en sait pas plus pour le moment. Accident sur le ring de Bruxelles encore un petit peu plus loin, à hauteur de Diguem. Les voies centrales et de droite sont neutralisées, ce qui rallonge évidemment les temps de parcours et vos files. L'accident encore sur le 40 Liège-Bruxelles, à hauteur d'Everberg. La bande droite est neutralisée en direction donc de Bruxelles. Un secteur peut-être à éviter pour le moment. Accident encore sur le 313 Anvers-Liège, à hauteur de Rentals. Le passage se fait via la bande d'arrêt d'urgence. 7 km de file et une retenue de 30 minutes en direction de Liège. Des ralentissements encore pour rejoindre la capitale. C'est sur le 40 venant de Gand, Ternat et Grand-Bigard. À gauche, à droite, tout droit. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On n'est pas des pigeons, continue sur Viva avec Sébastien Nolvaux et l'équipe. Et jusque 13h en plus. Super. On n'est pas des pigeons, sur Vivacité. Et au programme de cette deuxième heure, il n'est peut-être pas trop tard, amis étudiants qui est à l'écoute ou parents d'étudiants dans le supérieur universitaire ou autre, il n'est peut-être pas trop tard, mais le code qu'il faut chercher, c'est maintenant que ça doit se faire. Et, oui, c'est et on va dire de faire attention. Exactement, il est grand temps, il faut faire attention parce qu'il faut être attentif à plusieurs choses. N'oubliez pas qu'il y a des étudiants qui présentent leurs examens de deuxième session, qui malheureusement pour eux, on le déplore, vont rater et donc des codes vont se libérer, donc il faut faire gaffe. Et peut-être des bonnes affaires à faire, c'est ça qu'elle veut dire. Que de bonnes poires dans cette deuxième heure, dont celle de Robert Rémy, qui a fait le tri dans toutes les variétés, viendra nous dire à quoi il faut faire attention tiens, quand on choisit de manger des poires. Et puis on parlera souvenirs de vacances avec Raphaël, l'occasion de vous poser une question sur la page Facebook. Oui, on vous demande si vous êtes parti en vacances, si vous avez ramené ou si vous avez l'habitude de ramener des souvenirs, si vous aimez qu'on vous en ramène ou au contraire si vous redoutez qu'on vous en ramène. Bref, parlez-nous des souvenirs de vacances sur la page Facebook On n'est pas des pigeons. Faites-le aussi par mail. L'adresse c'est pigeon@rtbf.be. Notre répondeur est accessible aussi 070 222 660. Vous ramenez des souvenirs de vacances, vous, autour de la table ? Non. Ouais, de temps en temps, ouais. Et puis après on les oublie. Mais moi j'en ramène systématiquement à une personne. Mais c'est toujours une même thématique, mais je ne peux pas le dire. Celle que vous n'aimez pas, vous le. Non, je vois ce que c'est. Oui, mais il faut tout dire. Ah oui, mais. Vous en avez dit trop, pas assez. Eh bien, reste à l'écoute et tu le sauras peut-être. Côté musique, il y aura Nevy. Alors j'écoute, tu m'as installé. Nevy avec J'écoute du Miles Davis, il sera accompagné dans la programmation musicale de Bruno Mars. Excellent appétit si vous passez à table, c'est Vivacité, si on n'est pas des pigeons, on est encore ensemble pendant une toute petite heure. Like me. No, you don't understand. He's an innocent man. Nothing to do with your sinister plan. He's under my thumb. Now you know that's a lie. He won't be happy till he makes you cry. Phonique a survécu avec Badaboum. C'est délicieux, délicieux. Que c'est bon. Voilà. Nous sommes lundi, nous accueillons Robert Rémy. Bonjour Robert. Bonjour. On va parler de poire aujourd'hui avec vous parce que c'est important de manger des fruits et des légumes. 5 hein, ah par oui, jour. Ah oui, de bonnes poires, c'est excellent. Et des poires dans le cartable des enfants, dans la mallette pour aller au boulot, pourquoi pas. Mais alors, je m'arrête là-dessus, il y a plein de variétés de poires, on s'y retrouve comment? Oui, c'est vrai que, et on ne le sait pas toujours, mais il en existe des centaines de variétés, hein, et j'aurais même tendance à dire que c'est un vieux fruit, puisque on en retrouve même trace en Chine il y a déjà plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. Alors, pour faire bref et pour lancer le thème, je dirais qu'on distingue d'abord deux grandes catégories. Ce sont d'une part les poires de table, et d'autre part les poires à cuire. Alors, si les poires à cuire ne peuvent être consommées crues, par contre, les poires de table peuvent très, très bien être cuites. D'accord. C'est une affaire belge, les poires. Il y a beaucoup de producteurs en Belgique. Oui, une fois n'est pas coutume. Hein, la Belgique produit pas mal de poires. Hein, et ce n'est pas toujours évident, d'ailleurs, actuellement, pour les producteurs qui sont victimes depuis 2 ans de l'embargo russe sur les poires. Alors, cette production, elle se situe pour 90% en Flandre et dans le Limbourg, surtout. Et parmi les variétés de poires de table, celles que nous consommons, donc belges, eh bien, 3 variétés sont surtout à épingler. La numéro 1, c'est la Conférence. Ah ben oui, hein, c'est la plus connue. Hein. 3/4 des poires produites chez nous. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut se déguster toute l'année. Hein. C'est une poire élancée, d'une couleur vert-jaune, et d'une chair très juteuse et très sucrée. Et deux on autres, a ensuite c'est quoi la doyennée, hein, qui elle est malheureusement de conservation plus limitée. C'est la une doyennée poire du comice. Dodue à la peau jaunâtre. Parce qu'elle est plus vieille, enfin, il faut vite la manger. Et enfin, troisième variété, c'est la Durondeau. Hein, une variété très éphémère, qu'on trouve très peu dans les magasins, parce qu'elle se conserve très mal. Par contre, pour les poires à cuire, ben, on peut citer 2 variétés essentiellement, c'est la Wildemann et la Saint-Rémy. Bon, on fait attention à quoi quand on achète? Ben, quelques signes visuels, hein, vous aideront facilement à choisir une bonne poire. Alors, d'abord, élément essentiel, c'est la queue de la poire qui doit être intacte. Hein, c'est un indice de fraîcheur de la poire. Une partie élancée, vous savez, la partie du haut, qui ne doit être ni trop fine ni trop longue, parce que dans ce cas, ça montrerait un dessèchement de la poire. Et enfin, une peau lisse et sans tache. Et il faut aussi savoir que c'est en septembre et en octobre, eh bien, que les poires chez nous sont les moins chères. Donc c'est maintenant, il faut y aller maintenant. C'est maintenant, ça commence. D'accord. La saison démarre en plein pour l'instant. Et au niveau conservation, il y a un truc particulier à savoir. D'abord, hein, ce qui est bon de savoir, c'est que la poire, c'est un piège à odeur. Mieux vaut donc ne pas les conserver trop près d'aliments qui sont trop odorants par, par eux-mêmes. Pourquoi? Parce que là, elles vont prendre l'odeur. Un élément important et qu'on ne connaît pas toujours, c'est que, en fait, les poires, elles ne mûrissent pas sur l'arbre. Ah bon? Et elles sont donc cueillies et vendues toujours avant maturité. C'est donc à nous de les faire mûrir dans une corbeille à température ambiante. Et alors, pour accélérer le processus, un petit truc, Sébastien, bien, vous les placez tout simplement dans un sac en papier. Ça va accélérer le mûrissement de la poire, mais évitez les sacs plastiques, parce qu'alors la poire risque de se gâter prématurément. Et enfin, une fois mûre, eh bien, une poire peut se conserver facilement quelques jours au réfrigérateur. Ben voilà, on a appris que c'est maintenant les poires, il faut y aller. Et que pour trouver une bonne poire, c'est toujours attention à... Attention à la queue et à la peau. C'est ça qu'il faut retenir. Merci Robert. Avec plaisir. De rien, quand vous voulez. Hé, hey, c'est encore moi, Hip. J'ai entendu tout ce dont vous avez besoin pour la rentrée. Ça fait hyper beaucoup. Heureusement, dans votre hypermarché Carrefour, vous trouvez les meilleurs prix garantis sur des centaines de fournitures scolaires. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, bam, on vous rembourse 5 fois la différence. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Coa, coa, coa se la grenouille. L'été bientôt là, elle remontre sa bouille. Pédale Lucien au milieu des boas. Comme tu te sens bien, coa, coa. Visqueuse grenouille. Lucien glisse et son vélo crie ouille. Tu t'es fait battre, Lucien, par un batracien. Voilà pourquoi les AP Assurance vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Tip Top, du lundi au vendredi, la quotidienne. Dès 19h, Philippe Jauniaux vous fait découvrir les coups de cœur de Vivacité, les toutes dernières nouveautés et les titres les mieux classés dans l'émission du samedi. Numéro 3. Take off your clothes, blow out the fire. Numéro 2. Numéro 1. Et samedi dès 10h30, découvrez le nouveau classement avec Thomas Lorides. Tip Top. 6 jours sur 7 sur Vivacité. 24 heures sur 24 sur vivacité.be. Je vois dans ta vie du succès, de l'argent ou une maison avec piscine. Mouais, je crois que je vais plutôt confier mon avenir à l'EFP. Tu plonges dans la vraie vie tout en apprenant un vrai métier. Inscription dans plus de 70 formations jusqu'à fin octobre. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. EFP, formateur de talent. EFP-BXL.be. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de vivacité. Alors demain, Bernard Dewey vous réveille avec vivacité. Vivacité matin, info et bonne humeur vivacité. Dès 4h30. To get up on myself, I can find a way to hide all the dreams that fell so far. Keep on living for today. There's gonna be no way, no way. Alex Jarmis survivra le titre Sweet Afterglow. Ce titre. 11h, 13h, on n'est pas des pigeons. C'est quasi la rentrée pour tout le monde. Vous avez profité, on l'espère, des vacances et vous êtes revenu avec quelques beaux souvenirs. Hein, oui, Raphaël, que tu es revenu avec quelques beaux souvenirs. Une belle suédoise. Alors, tout à l'heure, autour de la table, je demandais si vous rameniez des souvenirs de vacances et je vous ai dit que moi, je faisais systématiquement un cadeau depuis des années au même copain et je n'en ai pas dit plus. Bon, on l'appelle le copain. Xavier Guilid, bonjour. Bonjour Xavier, Sébastien. Qui fait partie de l'équipe d'On n'est pas des pigeons, qui est le producteur. On se connaît depuis des années, Xavier, et tous les ans, je vous ramène un cadeau. C'était quoi l'année dernière, le cadeau de vacances? Alors c'était un décapsuleur assez joli, assez volumineux, assez en bois, un beau bois bien travaillé, un bois. Je me demande si c'était pas du bois bandé d'ailleurs. Oui, certainement. Il avait quelle forme ce décapsuleur? En fait, c'est quoi les souvenirs qu'on se ramène? Alors, moi, je vous ai ramené il y a peu de temps, enfin, ici, maintenant, il y a déjà un certain temps, ça avait commencé par quelque chose pour faire de belles omelettes, avec une forme assez, assez agréable, douce à l'œil, qui plaît donc, aux femmes. En gros, Xavier et moi, on se fait chaque fois des cadeaux à connotation un petit peu hum-hum, olé olé. Merci, Xavier, de nous avoir parlé franchement de ce beau décapsuleur en forme d'énorme sexe de l'année dernière. Ce qui nous amène, Raphaël... Raphaël, à parler du fantasme de touristes étrangères de passage à Bruxelles. Avant de commencer, je voudrais faire une parenthèse quand même pour dire que vous venez de prendre 2 minutes sur le service public pour dire que vous échangez des zizi après les vacances. C'est juste ce que je voulais dire. Voilà, on va parler du fantasme des touristes étrangères. Effectivement, elles en rêvent toutes. Hein. C'est un truc de 50 cm, voire même 61 si on prend en compte l'épaisseur sur laquelle ils trônent. Je parle bien sûr, les amis, du Mannequin Piece. Mais on s'en doutait. Quoi d'autre? Parce que quand on vient à Bruxelles, on ramène ou l'atomium avec des boules ou le Mannequin Piece qui est tout nu qui fait pipi. Alors, juste pour info, il faut savoir que la statue qui fait pipi aujourd'hui et que tous les Japonais et les Chinois sont en train de photographier, c'est pas l'original. Ah bon? C'est déjà une copie parce que la première statue daterait de 1400 et quelques, qui a été remplacée en 1620 par un bronze de Jérôme Duquesnoy. Statue en bronze de Jérôme Duquesnoy, le célèbre artiste bruxellois. Et cette version de 1620, en fait, depuis 1965, elle est remplacée par une troisième statue qui est le troisième Mannequin Piece et qui est donc une réplique puisque l'original, on peut le voir au musée de la ville de Bruxelles. Donc, étonnamment, c'est le bronze qui trône. Oh! Joli, mais oui, c'est le bronze qui trône actuellement. Mais une réplique du bronze. Et donc, ce que Nadia Salmi a voulu savoir, on le verra dans un reportage tout à l'heure à la télévision, c'est finalement, est-ce que, bon, ben, si les Japonais prennent déjà en photographie une réplique, est-ce qu'au moins, les souvenirs qui sont vendus dans les boutiques aux alentours, sont-ils fabriqués en Belgique? On verra qu'on peut avoir des petites surprises. Bah, à mon avis, ils viennent de leur pays d'origine, quelque part. Hein, c'est fabriqué comme beaucoup de souvenirs de vacances. Chine, Taïwan. Il y a des chances des allers-retours. Et ceci dit, en parlant de ça, bon, en même temps, peu importe où c'est fabriqué, c'est le souvenir, l'idée que vous allez garder de ce petit cadeau en disant voilà, c'est mon souvenir de Bruxelles, ou le plaisir que vous allez faire à la personne à qui vous allez l'offrir, qui malheureusement ne voyage peut-être jamais. Alors, ceci dit, on parle des copies chinoises, des choses comme ça, made in Taiwan, des Mannequin Piece, mais avant les vacances, j'étais au resto et à la table d'à côté, il y avait un monsieur qui a entamé la conversation comme ça avec mon père parce qu'on était en famille. Et dans la conversation, le monsieur dit ben voilà, je suis artisan, je fabrique du nougat, on a une entreprise familiale et on exporte à Montélimar. Et donc, je me suis dit, monsieur, vous fabriquez du nougat que vous exportez pour des commerçants de Montélimar? Il fait oui, oui. Et donc, je me suis renseigné, j'ai dit, mais je pensais que c'était protégé, l'appellation. En fait, la recette du nougat de Montélimar est protégée, mais pas le lieu de fabrication. Donc, vous pouvez fabriquer n'importe où dans le monde du nougat de Montélimar. Si vous respectez la recette, vous pouvez dire que c'est du nougat de Montélimar. Donc, vous êtes peut-être allé, vous, qui vous rouspétez en disant, ouais, mais tout est fabriqué en Chine. Donc, vous êtes peut-être allé en Provence, vous êtes passé par Montélimar, vous avez ramené du nougat qui est fabriqué dans le sud, mais dans le sud de Bruxelles. Tout n'est pas fabriqué en Chine, pour preuve, mes parents ont un jour ramené d'Autriche un objet qui avait été fabriqué à 20 km de chez eux. Ah bah écoutez, comme quoi, finalement, pourquoi aller si loin pour avoir des trucs si près? Oui, voilà, il faut savoir qu'on ne peut pas tout ramener de vacances quand même. Hein. Dans les souvenirs, il y a des espèces animales qui sont protégées, des espèces végétales aussi qui sont protégées, qui ne peuvent pas quitter le pays. Et on parle d'éléments entiers pour les animaux, mais aussi de morceaux, genre les dents de crocodile sculptées, tout ce qu'on peut voir au bord des plages. c'est interdit. Les écailles de tortue aussi, ça fait des jolis machins. Certains coquillages aussi qu'on pourrait ramasser sur la plage et ramener à la maison. Évidemment, les biens culturels et religieux. Il y a certaines antiquités de valeur, des objets d'art, bah, qui ne peuvent pas quitter le pays sans autorisation spéciale. Donc, si vous voulez ramener un vieux truc voilà, d'époque, assurez-vous quand même que ça n'a pas été, ça vient pas d'un, voilà, d'un gang qui aurait pillé quelque chose. Ouais, les contrefaçons. Les contrefaçons, voilà. Oui, on va terminer avec ça. Voilà. Et les galets, ça c'est plus marrant. Certaines plages de Bretagne, on ne peut pas ramasser les galets sous peine d'amende. Ça va de 1500 à 3000 euros en cas de récidive. Parce qu'en fait, c'est considéré comme une protection entre la terre et la mer. Bah oui. Et donc les galets sont là. Et si tout le monde ramène les galets, il n'y aura plus de protection. Et donc en gros, vous pouvez être soumis à une très très grosse amende. Donc on en parlera, on développera ça un petit peu. Et on voit ça ce soir à la télé à partir de 18h30, bien sûr. Souvenir des années 80. Signé Marc Lavoine avec Elle a les yeux revolver. On connaît tous la chanson, alors on va tous chanter le refrain, les amis. Un peu spécial, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Elle se dessine sous des jupes fendues, et je devine des histoires défendues, c'est comme ça. Si belle quand elle sort, tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Un peu largué, un peu seul sur la terre, les mains tendues, les cheveux en arrière, et j'aime ça. À faire l'amour sur des malentendus, on vit toujours des moments défendus, c'est comme ça. Si femme quand elle mord, tellement si femme, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Souvenir de 1985, les yeux revolver de Marc Lavoine. Et je suis désolé, mais ma version préférée de cette chanson, c'est les Charlots. Elle a la bouche camembert, elle a le regard qui pue, elle respire et y a plus d'air, sa bouche sent le trou du vent. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. On marque une pause, on fait un détour par la rédaction pour les titres de l'info. Séance VIP, une soirée, deux grands films, tous les lundis sur la Une. Alors je te préviens tout de suite, cette année c'est la mer, sinon rien. La séance VIP, c'est reparti avec Valérie Lemercier et Cadmerade. Les vacances du petit Nicolas suivies de l'italien, ce lundi soir sur la Une. Viva Bruxelles présente. Ça y est, enfin, les plus belles bêtes de l'impro sont de retour à Bruxelles. Venez les observer au bouche à oreille les 1, 2 et 3 septembre. Toutes les infos sur motamo.be. motamo.be. Vivacité La Une présente le Vaux Rire, le Festival international du rire de Liège, du 20 au 23 octobre. 4 jours, 14 salles, avec Valérie Lemercier, le Whoop, Benabar, Pascal Légitimus, Baptiste Le Caplin, Arnaud de Samer et Renaud Rutten, Claudia Tagbo, les Frères Taloche et beaucoup d'autres. Infos et réservations, vauxrire.be. Vivacité présente Valériane, le grand salon bio de la rentrée. Rendez-vous à Namur Expo les 2, 3 et 4 septembre. Plus de 300 exposants bio et aussi 60 conférences et ateliers. Info valériane.be. Une organisation de Nature et Progrès avec le soutien de Canal C, l'avenir.net et la Wallonie. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'un milliard d'euros pour leur crédit? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Construction Jean-Pierre et Fils, bonjour. Oui, bonjour, c'est pour ajouter une dixième boule à l'atomium. Très bien. Pour la semaine prochaine. Pas de problème. Merci. Tout devient possible quand on travaille avec nouveau Citroën Jumpy. Trois tailles au choix, porte coulissante main libre et seulement 1,90 m de hauteur. Nouveau Citroën Jumpy, à partir de 230 € par mois, avec extension de 5 ans de garantie offerte. Découvrez-le dans votre point de vente. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Pour chez moi, j'ai choisi l'énergie 100% verte de Luminus. Vous êtes déjà plus de 500 000 à avoir choisi l'énergie 100% verte de Luminus. Aujourd'hui, investissez avec nous dans notre parc éolien et ensemble faisons progresser les énergies renouvelables. Luminus, ensemble, faisons la différence. Infos et conditions sur luminus.be. Il est midi 30. Les titres du journal avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Cette attaque à la voiture Bélier dans les locaux de l'Institut National de Criminologie et de Criminalistique. 5 suspects sont entendus dans cette affaire. Cette nuit, un véhicule est entré par effraction dans les locaux de l'Institut à Neder-Overenbeek. Un incendie s'est déclaré, on a même entendu des explosions. Que visaient les auteurs? Quelle pièce à conviction ou dossier visait-il? On ne le sait pas pour l'instant, une enquête est ouverte. Apparemment, les enquêteurs ne penche pas pour la piste terroriste. Mais au fait, que trouve-t-on dans ces locaux? À quoi sert l'INCC? On sait que c'est un endroit stratégique de la justice pour une série d'enquêtes. On fera le point avec Patrick Michel dans le journal de 13h. Les recherches, toujours en cours, le long de la Sambre à l'Aube, on recherche le corps du petit Anthony, 8 ans, tombé d'un bateau de plaisance samedi après-midi. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire. Ce matin, la cellule de recherche des personnes disparues a reçu l'appui des hélicos pour reprendre des recherches plus pointues. Ce drame aussi à Libramont, un jeune homme de 20 ans a tué son ex-petite amie de 16 ans et le père de son ex-petite amie. Lorsque la police a voulu l'arrêter, il a tenté de se tuer. Il est actuellement dans un état critique. À 13h, on se penchera aussi sur vos comportements, parfois très dangereux, aux abords des voies de chemin de fer. Infrabel a mené l'enquête. Une personne sur quatre avoue se promener parfois le long des voies, ce qui est dangereux. Mais il y a pire, comme se photographier sur les voies, s'asseoir sur le bord des quais, les jambes sur les rails. Et puis, on vient d'effectuer les tirages au sort des 16e de finale de la Coupe de Belgique. Les matchs intéressants, les premiers duels à ne pas rater, ce sera dans le journal de 13h. À tout à l'heure, 13h, Manu. On n'est pas des pigeons. Juste un an, premier pas posé. On marche un instant avant de tomber. Dans la cour d'école, on a beau jouer, on finit au sol, le genou blessé. On tombe amoureux et le cœur lancé. Il fait de son mieux avant de casser. C'est un jeu de qui on est tous conviés. Les garçons, les filles, tour à tour tombés. Mais nous sommes toujours debout, toujours debout. Mais nous sommes toujours debout, toujours debout. Tomber chaque fois aujourd'hui, après. Sommes-nous maladroits, faisons-nous exprès? Au milieu des autres, on est tous suspects. C'est à qui la faute qui nous a poussés? On fait ce qu'on doit pour ne plus tomber. C'est toucher du bois, parfois même prier. Et puis ça revient, ça envoie valser. Les fous et les rois, le pays entier. Mais nous sommes toujours debout, toujours debout. Mais nous sommes toujours debout, toujours debout. Alors bien bien sûr, on s'aperçoit que rien ne dure, pas même soi. Mais malgré tout, on recommence. D'abord un pas, ensuite un sens. Et puisqu'un jour, on se relève, que tout combat finit en trêve, on peut tomber une fois encore et se savoir un peu plus fort. Car nous sommes toujours debout, toujours debout. Oui, nous sommes toujours debout, toujours debout. C'est à 29 ans que je suis tombé, un peu plus qu'avant le 28 janvier. Emmanuel Moir sur Vivacité avec Toujours Debout. J'en profite pour vous rappeler qu'on vous a posé une question sur la page Facebook de l'émission. Ça sent encore bon les vacances. Oui, on vous demande justement si vous avez l'habitude de ramener des souvenirs de vacances, si vous aimez ça, si vous craignez qu'on vous en ramène. Parce que vous savez, si Nanen vous offre un cadre, oh la vache, oui, après à chaque fois qu'elle vient, vous êtes obligé d'aller vite mettre, courir dans l'armoire pour le suspendre. Mettre, voilà. Bref, vous nous dites ce que vous pensez des souvenirs de vacances sur notre page Facebook. On n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail. L'adresse est pigeon pluriel à rtbf.be. On vous lit dans 10 minutes. Et c'est quoi ton problème ? Nous ? Bah, on s'entend bien avec tout le monde au quartier. Pour l'instant, ce n'était pas un problème, mais la rentrée scolaire arrive. Dans le supérieur, on a encore un petit peu le temps de voir venir. C'est les secondes CES en ce moment, mais qui dit étudiant dans le supérieur, dit souvent logement, ce qu'on appelle chez nous un COT. Il n'est pas trop tard pour chercher le COT, mais il est grand temps, Annie. Et il est plus que temps, et vous connaissez le scénario, c'est toujours le même. Hein, les jeunes de 18 ans avec les parents qui arpentent les rues Bruxelles, Liège, Namur, Louvain-la-Neuve, etc. pour trouver le COT parfait. Et puis vous savez qu'un COT, c'est surtout un gros budget pour les parents. Ouais, ouais. Donc autant être attentif dès le départ et ne pas se faire avoir. Alors, il y a une loi précise sur les COT qui dit en gros qui COT. Quête. Ça, c'est la seule loi particulière. Mais c'est la seule loi qui est répertoriée. Bien sûr. Dans... Elle existe, cette loi éternelle. Mais sinon, est-ce qu'il y en a d'autres ? Ah ben non. Donc retenez la seule. Hein. Voilà. Je sens qu'on va la relancer plusieurs fois. Alors non, il n'y a pas de loi particulière. Et deux secondes, aparté. Je ne te raconte pas la tête de ma maman quand moi et mon cousin on a le même âge, qu'on a dit cette loi, la maison dans les parents. Particulier. D'accord. C'était particulier. À mon avis, elle les a regardés avec des grands yeux. Voilà. Alors non, il n'y a pas de loi particulière comme le bail commercial ou le bail de résidence principale. Pourquoi ? Parce que un étudiant ne fait pas de commerce dans son COT, du moins on l'espère, et un étudiant ne se domicilie pas non plus dans son COT. Donc on applique les règles de base de la location qui sont prévues par le Code civil. Alors vous savez que la durée d'un contrat de bail pour un COT, c'est assez court, ça peut être 12 mois ou 10 mois, et il faut bien vérifier ce qui est inscrit dans le contrat de bail, parce qu'on a déjà vu dans des contrats que l'étudiant doit quitter son COT le vendredi et ne peut pas y rester le week-end. Ah ça bon quand même faut faire... Ah si, moi j'ai déjà vu ça dans des contrats quand ça, je cherche un COT pour ma fille. Ah, ça c'est voilà. Particulier. Ou alors un monsieur qui ne veut que des filles, par exemple, dans la maison. Bien sûr, les propriétaires peuvent mettre ceux qu'ils veulent. Exactement, voilà, donc il faut faire très attention. Alors, si vous avez signé un contrat de 10 mois et que vous avez une deuxième session que votre enfant veut rester dans son COT, il faut évidemment renégocier avec le propriétaire pour pouvoir rester les 2 mois de vacances. Okay. Donc, il faut faire très attention. Alors, on rappelle que le bail doit être enregistré, et ça veut dire c'est une obligation et donc il faut évidemment donc un contrat écrit. Et est-ce qu'on doit verser une garantie locative ? Alors, la garantie locative, on le rappelle, elle n'est pas obligatoire, mais elle est très souvent demandée. En général, c'est 2 mois de loyer. Mais pas toujours. Je voudrais que j'ai sous les yeux le contrat du service logement de l'UCL, par exemple, c'est plus ou moins 1 mois. Mm-hmm. Donc, voyez-vous, ça dépend. Alors, il n'y a aucune obligation de verser cette garantie sur un compte bloqué, donc bloqué au nom du propriétaire, du locataire. On est toujours dans un contrat, pas de résidence principale, il faut toujours avoir ça à l'esprit. Donc, le propriétaire, par exemple, peut vous la réclamer, soit de payer de la main à la main, soit de la verser sur son compte à lui. Mais là, il faut, faire reçu, très attention. Ouais, et donc, évidemment, il ne faut pas oublier de recevoir un reçu daté et signé. Une garantie locative, on a dit. Est-ce qu'une assurance incendie est obligatoire ? Ah, écoutez, elle n'est pas obligatoire non plus. Elle est vivement conseillée. Voilà. Hein, vous savez bien qu'on est quand même responsable des dégâts. Alors, le contrat, souvent d'ailleurs, le prévoit. Alors, ou bien on souscrit une assurance pour le COT, ou bien on se réfère à l'assurance incendie des parents qui couvre en général la location d'un COT. D'accord. Et donc il faut absolument se renseigner auprès de l'assurance habitation incendie des parents. toujours bon à savoir. Le courtier ou replonger voilà, dans votre contrat, exactement. Ça peut être utile. On doit faire attention à quoi d'autre? Alors, l'état des lieux. Hein. Vous savez bien que souvent, on est avec un jeune, il a flashé sur le code et puis il signerait n'importe quoi. Il faut établir l'état des lieux, en tout cas avec beaucoup d'attention. Il faut une description détaillée de la chambre, description des meubles aussi. Il faut prendre des photos, ça peut toujours servir après. Alors, il faut faire aussi attention au loyer et aux charges. Vous savez que le loyer et les charges doivent être bien mentionnés sur le contrat, mais doivent être distincts. Donc, on ne peut pas mettre, par exemple, sur un contrat, loyer avec charges incluses. Non. Les deux postes doivent absolument être distincts. Alors, les charges, vous avez soit les charges forfaitaires, ça doit être aussi mentionné distinctement sur le contrat, ou alors les charges réelles, vous savez, sur les provisions sur charges, et à la fin du contrat, vous recevez le détail de ce que vous avez expressément consommé. Il faut bien vérifier aussi les règlements d'ordre intérieur, surtout pour des maisons communautaires, il y a plusieurs cotes. Et alors, n'oubliez pas, très important, les résidences secondaires. Comme l'étudiant n'est pas domicilié dans son cote, c'est considéré comme une résidence secondaire, et les communes taxent les résidences secondaire. Le montant de la taxe varie d'une commune à l'autre. Alors, bien souvent, dans les grosses communes comme XL, on pense à l'ULB, il y a une diminution très forte de la taxe pour les étudiants. Qu'en faut-il qu'on prouve qu'on est bien étudiant Ça peut aller de 1000 euros à 80 euros. On revient sur le contrat. Imaginons, par exemple, qu'un étudiant ou une étudiante décide en cours d'année de poursuivre à l'étranger. Oui, ça arrive souvent. Est-ce qu'on peut résilier le contrat à ce moment-là ou pas? Eh bien, je vous dirais que ça dépend de ce qui est indiqué dans le contrat. En général, le contrat de 10-12 mois, c'est un contrat de courte durée, et les contrats de courte durée, on ne peut pas les résilier avant la fin de l'échéance. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord vérifier le contrat, et Testachat demande d'ailleurs aux propriétaires de faire des contrats avec lesquels de prévoir la possibilité de pouvoir résilier ou de sous-louer ou de céder le bail, puisqu'il y a quand même pas mal d'étudiants qui partent en Erasmus, il y en a qui font des stages de longue durée à l'étranger, voilà. Mais donc il faut toujours avoir l'esprit de vérifier ce qui est indiqué dans le contrat de bail avant de prendre une quelconque décision. On termine rapidement sur les gens qui nous écoutent et qui ont par exemple une maison avec plein de pièces. Est-ce qu'ils peuvent transformer les trois chambres qu'il y a en trop en cote? Je vous dirais tout de suite que c'est un petit peu facile. Alors ça dépend où ils habitent. Il faut des autorisations. En région Bruxelles-Capitale, il faut une attestation de conformité qui est valable 6 ans. En région Wallonne, évidemment, ce n'est pas la même chose. C'est un permis de location valable 5 ans. Et en Flandre, c'est encore autre chose. D'accord. Donc se renseigner. Et on rappelle, très important, que celui qui signe un contrat, il s'engage. Donc faites gaffe, ne signez pas n'importe quoi. Vérifiez le contrat, prenez des photos. Enfin bref, renseignez-vous avant de signer. On en reparle à la télé parce que c'est un truc important. Très important, il y a quand même pas mal de gens qui vont encore signer des contrats. On en reparle ce soir à la télé et on vous redonne tous les détails et les adresses utiles ce soir à la télé à partir de 18h30. On reviendra dans les souvenirs de vacances aussi dans quelques minutes, juste après Nevy. J'écoute de Miles Davis. Vivacité et la 2 présente Michel Polnareff en concert. Tous les grands classiques de son répertoire exceptionnel. Le vendredi 18 novembre à Forêt Nationale. Réservation 0900 84 900, 50 centimes la minute et sur next-step.be. Encore un choix. Ce soir, sur Vivacité, découvrez Encore un soir, le tout nouvel album en français de Céline Dion. Jamais rien demandé. Céline Dion est enfin de retour. Écoutez-la ce soir dès 19h dans le tip-top de Vivacité et ramenez-la chez vous. Vivacité vous offre son nouvel album, Encore un soir. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est en quelques clics une foule de contenus à voir et à écouter en direct, plus tard ou même avant les autres. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Tu as réussi ta 6e technique ou professionnelle? Tu veux devenir infirmier hospitalier? Alors viens avec nous à l'ECNA Sainte-Élisabeth, une école dynamique et réputée, derrière la clinique Sainte-Élisabeth de Namur. Dès la première année, tu auras 12 semaines de stage. Après une formation en 3 ans et demi, tu obtiendras ton brevet d'infirmier qui te permettra de trouver rapidement du travail. Ça te tente? Tu trouveras bien plus d'infos sur ECNAS.be, ECNAS.be. ECNAS 081 72 34 80. Ma peine au fond d'une fiole, puisqu'on ne sera plus ensemble, si fier qu'on s'abandonne. qu'on se ressemble. On se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal. L'amour c'est comme ça. Tout ne tient qu'aux détails. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige des supplices. Puis on se lasse. Prisonnier de mon spleen. La peine c'est pas du toc. Des larmes de crocodile. Coq. Donne-moi de tes nouvelles. Si la nuit tu es seul, peu importe qu'on s'aime ou qu'on se fasse la gueule. Alors j'écoute du Miles Davis. Ce fan, tout tes pétales. Alors j'écoute du Miles Davis. Sur Vivacité avec J'écoute du Miles Davis. Sur la page Facebook, on vous demandait si vous êtes adepte des souvenirs de vacances et si oui, qu'est-ce que vous ramenez de vacances? Et les gens sont nombreux, hein, visiblement, ah, à oui. partir en vacances et à revenir avec des souvenirs. Oui, ou alors ont des amis qui leur ramènent des souvenirs. Comme par exemple Laura, j'ai essentiellement ramené de quoi manger ou boire et quelques t-shirts sympas. Je ne pouvais pas rentrer du Canada sans sirop d'érable. C'est vrai. Hein, et quelques magnettes aussi utiles pour accrocher des papiers sur le frigo et qui me rappelle mon voyage dès que je suis dans ma cuisine. Ça, c'est toujours du plus bel effet, le magnet de vacances sur le frigo. Eh ben, c'est le truc qui remporte le plus grand succès. Alors, on ne se moque pas, Sébastien. Mais je ne me moque pas, je trouve ça super pratique. Alors, Mag nous dit... Je vois qu'il tire la tête. Ouh, mais non, arrête. Je me suis fâchée avec mon ami. Alors, Mag nous dit qu'elle aime surtout recevoir des cartes postales, mais c'est plus trop dans l'air du temps. Ben, c'est vrai. Sinon, elle ramène aussi un bel objet pour elle-même de déco, genre un Bouddha d'Asie ou un vase de Murano, et une belle collection de magnettes. Alors, pour les copains et la famille, elle ramène des magnettes et de la bouffe locale. Elle évite les... ramasse poussière. J'avais oublié ce qui traîne sur la cheminée ou sur la télévision. Alors, encore un, et puis on passe à la suite, oui, et puis on en ira encore après. Hein. Bah, Jacqueline, elle voyage en regardant la porte du frigo. Elle collectionne les magnettes que ramènent ses enfants. Voilà. On va marquer une pause, le temps de téléphoner à Paul. Magnette. Voir ce que lui ramène de vacances. Ah ouais, le rythme de la course était fort, il y a eu cette échappée là, mais bon alors après on a réagi, hein, hop, et toute l'équipe, et voilà, on est en tête maintenant, c'est bien. Le changement, ça donne de l'énergie. Alors gaz ou électricité, changez aussi pour Poéo, et profitez de la promo de bienvenue. Poéo, énergie positive. Chérie, t'as pas vu mon vieux jeans? Bah si, je l'ai amené chez Poincaré, ils vont le donner au petit rien. Et moi, j'ai eu 15 euros de réduction sur mon nouveau jeans. Rapportez votre vieux jeans chez Poincaré et recevez 15 euros de réduction à l'achat d'un neuf parmi les marques Tom Taylor, Esprit, Only, Street One, Jack & Jones, G-Star, PP ou encore S-Oliver. Info sur poincaré.eu. Olivier, qu'est-ce que tu fais? J'inspire le quartier. Comment ça? Je participe à l'appel à projet de Bruxelles Environnement. pour lancer un potager collectif ou un atelier cuisine avec mes voisins, par exemple. Et ils offrent un accompagnement et un soutien financier. L'objectif, c'est de rendre le quartier plus durable. Génial, je participe. Inspirons le quartier. Plus d'infos sur environnement.brussels ou appelez le 02 775 75 75, 75 ou rendez-vous à la séance d'information du 20 septembre. Bruxelles Environnement. Vivacité et la ville de Charleroi présentent Charleroi 350 ans. C'est 2, 3 et 4 septembre, week-end anniversaire. Soirée d'ouverture place de la Digue, cortège historique avec la présence de l'Homme Gang, Carolo Retro Cars, accès exceptionnel à de nombreux sites historiques et Kefies, grande fête populaire sur les quais de Sambre. Info charleroi.be/350ans. Avec la une. Renouvelle ton abonnement tech via un self ou l'eShop et gagne une rencontre exclusive avec Christophe Maé et plein d'autres cadeaux. Je te prépare un moment incroyable. Alors, il est où? Il est où le bonheur? Toutes les infos sur infotech.be. L'eShop existe aussi en version mobile. Simplicité sur toute la ligne. Avec Treasure. À part des magnettes, est-ce qu'il y a d'autres Treasure accrochés au port du frigo ou ah bah ça, elle aura du mal. Fanfan aura du mal à l'accrocher au port est-ce du frigo parce qu'elle ramène du thé artisanal. Elle peut. C'est oui. Nadine. Surtout que tout est chinois, alors loin d'un souvenir du pays concerné. Voilà. En vacances au Maroc. Sans doute, je ne sais pas pourquoi je l'ai rebaptisé. Hugo, des bouteilles de vin, des cubis de vin et un magnète pour la porte du frigo. Christelle préfère ramener des choses utiles, porte-clés, sous-plat, essuie-vain, couteau. Elle ne parle pas de magnète. Et Wendy, elle a fait un voyage au Japon, elle a ramené quelques souvenirs sous forme de nourriture, ouais. Des goodies, manga et aussi des baguettes. Et on se posait une question pendant le disque. Chaque fois qu'on ramène du vin de vacances, il n'y a pas le même goût ici. Hein. Ça, on est d'accord, vrai. Annie. Voilà, ça change. Oh, ah, ça, c'est, y a une enquête à faire là derrière. Il faut qu'on retourne le boire sur place. I made up my mind like you. Used to be so kind, you forgot that time, didn't you? Now you can't deny, this is the last time. Fight against you. No, you can't deny. This is the last fight. Fight against you. And music all around. The theater's on the ground. I'm ready for the show, show, show. If you saw me that night. Climbing up the sky. And dancing on and on and on and on. Alice on the Roof sur Viva avec le titre Lucky You. Encore un soir. Ce soir, sur Vivacité, découvrez Encore un soir, le tout nouvel album en français de Céline Dion. Jamais rien demandé. Céline Dion est enfin de retour. Écoutez-la ce soir dès 19h dans le Tip Top de Vivacité et ramenez-la chez vous. Vivacité vous offre son nouvel album Encore un soir. Vivacité. Pas des pigeons. Coup de gueule, c'est l'heure du coup de gueule. Je cherche désespérément mon papier. Parce que c'est Rudy. Rudy. Alors, je ne cherche plus mon papier. C'est Rudy qui nous interpelle sur la page Facebook. Mais tout à fait. Prenant des médicaments contre la rétention d'eau, je demande à un exploitant d'un café si je pouvais aller aux toilettes. Et je me suis heurté à un refus catégorique avec la réponse « pas sans consommer, sinon allez ailleurs, je ne suis pas monsieur pipi ». Qu'en est-il de la loi sur l'obligation de permettre l'accès aux toilettes, notamment en cas de maladie ? Annie. Eh ben déjà, il n'y a pas de loi sur une obligation de laisser les gens aller aux toilettes. En général, dans un magasin, il n'y a aucune loi qui oblige le commerçant. Mais il y a de plus en plus de commerces où il y a des toilettes disponibles, on pense aux grandes chaînes. Mais c'est vrai que dans les cafés, si tu ne consommes pas... En général, on n'a pas accès aux toilettes. Ou alors, certains cafés font payer le passage au carnaval, à Binge, vous devez payer un pipi. Voilà, mais ce n'est pas très commercial de la part du patron de café, bien sûr. C'est une belle question. Il y a moyen peut-être de faire un truc là autour. On va un peu creuser, on a quelques heures pour ça. Vous pouvez joindre la rédaction en attendant via la page Facebook, ça vous le savez, mais on peut rappeler le mail, par exemple, et les numéros de téléphone. pigeon@rtbf.be, ça c'est pour le mail. Le téléphone 070 222 660. Vous expliquez brièvement de quoi il s'agit et vous laissez un numéro pour vous contacter. Annie. Et tant qu'à faire Rudy, vous avez entendu l'adresse mail, envoyez-nous un petit mail avec les coordonnées du café. On se fera plaisir de passer un petit coup de fil au patron. On va aller préparer la rentrée télé avec un petit nouveau look. Hein. On a relifté le studio, vous verrez ça ce soir à partir de 18h30. Sylvie Noré, la vie du bon côté. Alors, c'est encore le mois d'août, c'est vrai, mais ça sent très très très très très très fort la rentrée scolaire. Ben voilà, en parlant de rentrée, c'est sûr. De quoi parler un 29 août quand il pleut ? Bah de rentrée, voilà, de rentrée scolaire. Demain, on essaiera de parler d'autre chose puisqu'on nous réaffirme que le soleil va revenir. Bien entamer son année scolaire. Je pense qu'en effet, cette année-ci, cette semaine-ci, les parents sont malgré tout dans une certaine forme de stress. On ne peut évidemment pas passer outre ce thème. Alors, sous-titre de notre émission d'aujourd'hui, la prévention plutôt que la remédiation. Et là, il y a des parents qui vous disent « Ah, ça c'est bien, ça c'est bien ». Bien entamer l'année scolaire, c'est évidemment prendre de bonnes résolutions, un peu comme à la nouvelle année finalement. Donc on va s'adresser aujourd'hui surtout aux parents qui nous écoutent pour leur demander peut-être quels sont leurs stress d'avant rentrée, parce qu'en général ça se communique aussi sur l'enfant. Est-ce que l'enfant est mis dans de bonnes dispositions pour bien rentrer à l'école ? Comment se mettre en position d'apprendre ? Ça a l'air naïf, complètement naïf comme ça, mais ça ne l'est pas. Il y a apparemment, vous dira notre invité qui est conseiller en apprentissage et en orientation scolaire, une façon de bien aborder la rentrée et surtout une façon de se mettre en position d'apprendre. Voilà, une bonne attitude. Comment donner le goût à nos enfants, à la tâche? Ça aussi. Bon, on va vous demander de venir converser avec nous sur ce sujet. 070 23 33 23 ou par SMS 30 63 50 centimes votre message. Bien entamer son année scolaire sera juste après le journal de 13h et juste après le point météo de Denis que voici. Quand il fait beau, le temps, je le fais rentrer par mes magnifiques châssis Bellisol. Et quand il fait vraiment beau, il peut même entrer par ma sublime porte Bellisol. Bellisol. Bonne journée à tous. Les averses assez faibles continuent à lentement s'évacuer du centre vers le sud du pays. On en sera débarrassé ce soir de très faibles averses qui n'empêcheront pas les éclaircies de revenir par le littoral et sur le centre en fin de journée. La canicule est terminée. On ne dépasse plus 18 à 22 degrés pour aujourd'hui. Dès demain, on retrouve du soleil généreux et des températures qui vont à nouveau remonter lentement mais sûrement. On attend entre 21 et déjà 24 degrés dans le centre, localement 25 en campine et on devrait garder ce temps sec plutôt ensoleillé jusqu'en fin de semaine avec une hausse lente et progressive des températures. Merci d'écouter Vivacité, il est 13h. Voici les titres du journal de 13h. 5 suspects interpellés après l'attaque à la voiture Bélier à Neder-Overenbeek. C'est l'Institut national de criminologie qui était visé. Que recherchaient les malfrats? On ne le sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la première fois que le laboratoire de l'Institut est la cible d'attaque. Les recherches recommencent ce matin à l'Aube. La cellule des personnes disparues a renforcé les moyens pour tenter de repérer le corps du petit Anthony tombé dans la Sambre samedi dernier. Ils sont 6, ils ont passé un an coupé du monde à manger du fromage en poudre et des boîtes de thon. Ils viennent de sortir de leur tente. Ces 6 hommes et femmes menaient une expérience pour vérifier s'il est envisageable d'envoyer des humains sur Mars.